Goshi goshi goshi gosha, entende yo ti parole, yo haïtien parle créole, yo di ken pat a l'école. Goshi goshi goshi gosha, entende yo belle parole, yo haïtien parle français, yo di ken la pérance, le yo te parle latin, yo di ken a fait tete. Goshi gosha, entende yo ti parole, yo haïtien parle créole, yo di ken pat a l'école. Goshi goshi goshi gosha, entende yo belle parole, yo haïtien parle français, yo di ken la pérance, le yo te parle latin, yo di ken a fait tete. Christos tum patatum, parle latin, voulez-vous danser, parle français, my darling I love you, parle anglais, no te quiero well, parle créole. Angel rapide, mais les créoles, moi parler d'autres langues. Si cousa, couchi coucha, si cousi, aïe concha, si cousa, aïe concha, si cousi, aïe concha, si cousi, Christos ton patadon, voulez-vous danser, parlez français, my darling, I love you, parlez anglais, no te quiero ver, parlez espagnol, Angel rapide, mais les créoles, moi parler d'autres langues. Si cousa, couchi coucha, si cousi, aïe concha, si cousa, aïe concha, si cousi, aïe concha, si cousa, aïe concha, si cousi, aïe concha, si cousa. Voulez-vous danser? Parlez français. My darling, I love you. Parlez anglais. No te quiero ver. Parlez espagnol. Angel, rapide, mais. Parlez créole. Moi, parlez d'autres langues. Cousi, cousa. Cousi, cousa. Cousi, cousi. Aïe, concha. Cousi, cousa. Aïe, concha. Cousi, cousi. Concha, concha. Cousi, cousa. Aïe, concha. Cousi, cousi. Concha, concha. Cousi, cousa. Aïe, concha. Cousi, cousi. Aïe, concha. Cousi, cousa. Aïe, concha. Cousi, cousi. Concha, concha. Cousi, cousa. Aïe, concha. Cousi, cousi. Concha, concha. Cousi, cousa.